traverse le ciel, tout en m'envie. C'est comme ça dans mon oeil, dans l'île. Que plante des étoiles, tout à l'entour. C'est comme ça dans mon oeil. Traverse le ciel, tout en m'envie. C'est comme ça dans mon moyen, darling. Moi qui plante des étoiles, tout ça dans tout nous. C'est comme ça la vie, moi. Tout près de moi, ça que rendez-vous à moi.